regardes quand tu vas voir ailleurs. Comme un vide à la maison, là tu m'as fait bobo. Pour cacher mes pansements, j'ai dû racheter ma peau. Tu sais comment je t'aime, j'en ai perdu la raison. Moi je suis qu'un homme, j'attends la pluie pour pleurer. Solo dans mes pertes, où est ta main pour m'aider? Il n'y a que toi, bébé t'es mon étoile. C'est dans ton cœur qu'il faut que j'y perde. Et tous les soirs, quand je perds mes pétales, il n'y a que ton cœur qui peut me matrixer. C'est la folie, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis, je tombe dans le vide. C'est la folie, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis. Remémore quand il n'y avait pas tous ces conflits. J'ai grippé ton cœur, mais il n'y avait pas de consigne. On fera pas de cinéma. T'as fait des erreurs, c'est l'humain. Entre moi et toi, y a le mal. Fais-moi bisou, bébé, fais-moi bisou. Fais-moi bisou, bébé, fais-moi bisou. Il n'y a que toi, bébé, t'es mon étoile. C'est dans ton cœur qu'il faut que j'y perde. Et tous les soirs, quand je perds mes pétales, y a que ton cœur qui peut me matrixer. C'est la folie, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis, je tombe dans le vide. C'est la folie, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis, je tombe dans le vide. Il n'y a que toi, bébé t'es mon étoile. C'est dans ton cœur qu'il faut que j'hiberne. Et tous les soirs, quand je perds mes pétales, y a que ton cœur qui peut me matrixer. C'est la folie, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis, je tombe dans le vide. C'est la folie, je tombe dans le vide. Tu m'avais promis, je tombe dans le vide.